Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 13 de l'Heure Gamer Show. Enfin l'épisode 13, puis à soir pour vous autres, ben j'ai toute la petite famille, la famille complète de l'Heure Gamer Show, c'est-à-dire ben mon bon vieux Steph qui était chez vous pour ben une ouais. fois. Ça fait chier, j'ai pas personne avec moi dans ma game room pour faire le show à soir. C'est comme un peu triste. Ah. Puis toi, la technologie ouais. Skype, tu vas t'en remettre, ça va aller. Ouais, c'est pas si pire, là. Pas si pire. Pas si pire, jusqu'à temps que t'aies besoin de parler. Ouais. On a aussi René avec nous autres. René, comment est-ce qu'il va? Il va bien, il va bien. Et toi, t'as réglé tes bugs de son? Travaille là-dessus, en tout cas, ça s'améliore. Ben, au moins, il n'y a pas de bip-bip en arrière, c'est déjà... Ouais, j'ai une bonne leçon. Mettre des batteries dans un système de fumée. Moi, mettons que si j'arrêtais un de nos auditeurs, là, je nous aurais envoyé des hate mails parce qu'il me tombait ses nerfs en asti ton bip-bip. J'en ai forcé. C'est ajouté au suspense. Ah, tout un suspense. On a Kevin aussi avec nous ce soir. Comment est-ce qu'il va? Ah, moi, ça va toujours bien quand je vous parle, les gars. Ah, oh, tabarnak. Wow. Toujours aussi têteux. C'était à Saint-Valentin, v'là pas long, là, tu sais. Ah, ça t'a marqué. Un peu. Ouh. Mais parlant de v'là pas long, raconte-moi donc ça, ta soirée de Saint-Valentin, Kevin. Non, mais pour vrai... tu veux vraiment qu'on aille là-dedans? Là? Non, non, je veux que tu me racontes qu'est-ce que t'as fait dans les dernières semaines qui pourrait nous intéresser, là. C'est-à-dire pas ta soirée de Saint-Valentin. Ouais, c'est ça, tout, mais ça. Dans le fond, ben moi, il y a eu Dead Space 3, c'est un site, là, que j'étais pas mal accroché à ça. Contrairement à ce que la communauté disait, là, que c'était mauvais pis tout, moi j'ai adoré le jeu-là. Ouais, là. Mais tu sais, la communauté, des fois. Ouais, des fois, elle dit que des affaires est mauvais, mais dans le fond, c'est super bon, là. Mais c'est ça, exactement ce qui s'est passé avec Dead Space 3. Moi, je me suis pas fié aux critiques à rien, puis j'ai acheté ce jeu-là, puis j'ai pas regretté pas en tout, mon gars. Tu sais, c'est pas épeurant, là, mais c'est un bon Dead Space, pareil, là. Ouais, voir je sais pas ça, si tu l'as peut-être... acheté ou... Non, si ben, je l'ai, mais je l'ai pas joué encore. Et déballe ça tout de suite après le show, mon gars. Non, non, après le show, je m'en vais travailler, maudit cas. Mais ce qui arrive, avoir su que t'avais joué puis que t'avais aimé ça, je t'aurais demandé d'en faire la critique parce que, bon... Ben écoute, il va y avoir d'autres shows. Oui, c'est vrai, dans le fond, mais c'est parce que les jeux vont commencer à être vieux. C'est parce qu'on se fait reprocher, avec raison, je dois dire, qu'on critique pas assez de jeux. Puis c'est très vrai, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ben, je vais parler de jeux, moi, ce soir, dans mes nouvelles, fait que ça va peut-être ravir certains fans. Excellent. Ça, toi, René, dans tes dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau, côté horreur, mettons? Parle-moi pas de ton... Pas grand-chose, des films, travail. J'ai acheté Dead Space. J'ai pas joué, t'es encore emballé, hein. Moi aussi, je peux me faire taper ses doigts. Puis sinon, autant horreur, je pense que ça se limite quasiment à ça. Tellement fini tard, tellement eu des bébelles que j'ai quasiment pas le temps de rien faire là-dessus. Hein. C'est pas drôle, ça, être occupé de même. On a des jeux flambant neufs emballés, on peut pas y toucher. Ouais. Toi, Steph, par chez vous, quoi de neuf? Bah, bon, côté horreur, c'est bien tranquille, honnêtement. Là. Ouais, ça, c'est parce comment que. Comment ça? Le monde ne voyait pas ta photo qu'on a. Là, je suis allé plus dans le classique des vieux jeux, là. Super NES, NES, puis Atari. Puis ta game room, ça commence. T'as-tu de quoi de nouveau depuis la dernière fois, il me semble que oui. Ouais, j'en ai pas mal, sérieux. J'ai grossi l'écran. Ouais, les deux écrans sont grossis. J'ai l'étagère qui est grossie. Puis là, je suis en attente de mon Atari 7800. Mais le mini flashback, là. Ok. Oh. Ouais, les autres sont pas achetables. Puis t'as pas de jeu, t'as rien. Puis... Ouais, t'as un Dreamcast aussi. Ouais, ben oui, mon Dreamcast. Ouais. Commence à avoir du bon sens, ça. Ouais, ben moi, pour mon bord, c'est pas mal ça. Honnêtement, en dehors de qu'est-ce qu'on va parler pour le show, là, je me suis tenu pas mal tranquille, j'étais bien occupé, puis sans compter que on a pogné la maladie en famille, fait que les semaines ont été très tranquilles et très. Il y avait c'est spécial, ça. On a pogné ça à distance, moi, pis toi. Ben oui, il y a un soir, Steph, qui m'a envoyé un message par Facebook, comme de quoi qu'il peut pas faire le show la semaine passée. Il dit, ah, je peux pas faire le show, je suis malade, pis toute la patente. Là, je fais comme, bon, c'est correct, repose-toi. Le soir même, j'ai été malade comme un chien, fait que j'étais en train de me demander si c'est pas, genre, une nouvelle forme de virus, mon gars, assez hardcore, là. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de partager ça. Hey, passons donc aux nouvelles, parce qu'on a travaillé à nos nouvelles. Je vais commencer parce qu'on pour a quelque fois, chose... On a travaillé fort. Je vais commencer parce qu'on a quelque chose d'assez majeur. Si vous ne l'avez pas vu sur le groupe Facebook, c'est quoi? C'est le gros changement de cap pour l'Horror Gamer Show, c'est qu'on est maintenant... associé, pour pas dire, on est distribué par funjouerjeu.ca depuis l'espèce de gros renouveau que le funjouerjeu s'est fait, l'espèce de Ben, c'est ça. Le renouveau que le site s'est tapé avec les nouveaux collaborateurs, puis la grosse patente, des nouveaux shows. Pis, vraiment quelque chose de gros. Puis, ben, Horror Gamer a embarqué dans le moule. Fait que le show que vous entendez là, ben, soit qui est distribué par Fun Jouer Jeu, ou ben, ça va être le dernier là, qui va être mis sur l'adresse. Fait que ceux qui sont abonnés, mettons, fil iTunes, dépêchez-vous de switcher ça parce que ça va être le dernier sur ce feed-là. Parce que, bon, c'est ça. C'est un gros contrat qui vient avec ses inconvénients. Bon. La pression. La pression, ben oui, la pression. Aussi, on a passé du .com au .ca. Moi, tout le monde le sait, c'est comme... Ouais. Ça fait mal, ça. Ouais, je file comme une pute. Parle-en pas trop de ça. Je file comme une pute qui a vendu son nom. genre, pour mettre un nom dessus, là, Courtney Love. Puis l'autre désavantage, c'est que... Ben, à partir du prochain show, parce que ce soir, il peut pas, parce que c'est son party de fête, l'ami Sébastien Bouchard va se joindre à nous dans des épisodes de Rémi. Lui, yes. Ah, c'est, mais qu'est-ce que tu veux? Mais là, il est mauvais. Ben, c'est comme... Il fait des vidéos là, avec sa blonde. Ouais, c'est comme, on n'a pas ben choix, on se l'est fait imposer par Fun Jouer Jeu. C'est comme l'espèce de Big Brother qui va nous surveiller, voir si tout est correct. Fait que, pour ceux qui nous connaissent pas, l'Horror Gamer Show, ben, c'est un show super sérieux, de gens très sympathiques qui ne parlent que de choses de bon goût. Et puis, contrairement à Fun Jouer Jeu, on fait pas de salle de bain. Nous autres, on est restés stickés dans les années 80. Une bonne vieille traque de poudre sur le cul d'une pute, ça fait toujours la job. Ceci étant dit... J'aimerais rajouter que j'aime les bébés morts. Ah, ben, c'est fait. Okay, c'est bon, ça. Fait que c'était j'ai oublié, j'ai dépecé un poulet en fait, pendant la semaine. Oh man, t'es vraiment mauvais. Non, mais c'est vrai. fait que c'est ça qui se passe. Manquez pas d'aller voir le nouveau funjouerjeu.ca. Sans joke, là, c'est un super de beau site. Il y a du stock qui sort tous les jours, des articles super intéressants, des choses vraiment trippantes. C'est un nouveau quelque chose à ne pas manquer. Et ceci conclut les mots de notre commanditaire. Ouais, mais attends, t'as une affaire toi aussi là-dessus là, que j'ai vu à Zik Numérique. Là. Ben oui, ben oui. Tu rendu un nouveau projet pour toi? Ben c'est un petit show comme ça que j'ai commencé. Un petit show de musique que bon, juste pour le fun. Je te dis, c'est mauvais. Ouais, mais moi je l'ai pas écouté encore, mais tu sais. Ben c'est de la musique cryptone, c'est pas nécessairement de la musique. Ouais, je connais, sérieusement, j'ai accroché, c'était bon. Ouais, ben en tout cas, j'ai du bon feedback. Allez écouter ça, vous me direz ce que vous en pensez. C'est sûr qu'ils vont en avoir d'autres, parce que comme que je dis, la réponse est super bonne, les gens ont aimé. Mais, je connais pas le chiptune, je sais pas c'est quoi, ça ressemble à quoi, c'est... Ben en réalité, c'est n'importe quel genre de musique, faite avec des vieux CPU. Mais question au piège, le groupe qui reprend le Skrillex, c'est quoi le nom? Je l'ai pas retrouvé dans ta liste. Ben, c'est parce que je l'ai pris sur une compilation. Ok. Fait que je sais pas exactement c'est quoi le... Là, Renan, focus, ok? Tu ralentis. Ah, oh, mais c'était pas prouvé que j'avais vu. Que j'avais écouté, tu sais. Ouais, ben moi, ce que ça me dit juste, c'est que t'es un fan de Skrillex, fait que tu perds des points. bon, ben garde, on va continuer avec les nouvelles. Juste comme ça, vous êtes au courant qu'il va y avoir une série télé Hannibal. Oui. On suit ça quand même depuis les annonces. C'est prometteur. Pour moi, c'est quelque chose d'assez prometteur. Ça met en vedette Mads Mikkelsen, qui se trouve être le méchant qui joue dans Casino Royale. Tu sais, comme il fit. Là, bon acteur, bonne gueule. Ça va être cool. Les projets, je sais pas si c'est moi qui ai manqué une étape, mais bon, ils ont sauté l'étape du pilote, puis tout d'un coup, bang, NBC annonce que la première saison commence le 4 avril à 10h, une saison de 13 épisodes. Watchez ça. Le quoi, bon... avril, le 13? Non. 13 épisodes, le 4 avril, okay, à 14 sur bon le réseau NBC. Je ne pas des manquer. Notes pour ça. Ça va se passer. C'est une histoire de qui va se passer un peu post le Silence des Agneaux. Aurait été le premier de la série. Puis ça risque d'être très bon. À part de ça, qu'est-ce que j'avais comme nouvelle? Ah oui, si je me souviens bien, René, tu avais parlé dans le dernier show d'une série sur Zombieland, c'était ça? Ouais. Ben, bon, eux autres, c'est ça, sont en train de faire le pilote, ils ont dévoilé le casting, puis honnêtement... super content. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus prometteur, mettons, des petites filles qui ont joué dans Desperate Housewives, tout ça. C'est déjà qu'une série de Zombieland, ça m'attire pas vraiment. Le film, ben, je l'ai déjà dit, là, le film était OK, mais il faudrait peut-être pas pousser à la sauce, là, on va peut-être en avoir assez comme ça. Ceci étant dit, je pense que c'est tout. Oh non, hey, c'est vrai, je voulais faire justement, on se fait dire qu'on critique pas assez de jeux, je voulais faire une mini-critique sur un jeu que j'ai joué, mais regarde, je vais vous l'amener comme ça. Moi, vous savez, vous me connaissez, j'aime pas ça dire qu'un jeu est de la merde juste pour dire que c'est de la merde. Il y a du monde dans la communauté qui le font. Moi, je le fais pas. C'est pour ça que j'aime ça écouter des podcasts comme Retro Nouveau, comme les gars de Fun Jouer Jeux, l'Épée Légendaire, tout du monde qui sont objectifs, qui sont capables de dire pourquoi ils aiment ou ils aiment pas des jeux. Fait que tant qu'à dire de la merde juste pour dire de la merde, je peux vous dire que j'ai joué à Alien Colonial Marines. C'est tout. Excellent. C'est tout. Je peux pas en dire plus, parce que je me suis dit que je dirais pas de merde sur des jeux. Fait que c'est fini. Toi, René, qu'est-ce que t'as envie? On en parle plus. Oh non, c'est vraiment, c'est ça. Ben, je vais continuer à aligner des Alien Visit Predator. On non, a le, rien à voir, une date de sortie pour un jeu iOS et Android pour les amateurs de l'Android. Pour ce jeu-là, Alien Visit Predator Evolution sera le 28 février. Donc, c'est un petit jeu 3D qui te met dans première personne, qui va te ramener dans le temps de l'histoire. Je pense que ça n'a rien à tirer avec l'histoire à part les bonhommes. C'est ça, il y a juste les personnages qui reviennent, mais il n'y a rien vraiment de lien avec les films ou de quoi de même. Okay. C'est un petit jeu iOS de... Peut-être amuser quelques-uns, mais ça... Tant qu'à moi, ça n'a pas l'air trop prometteur regardant le preview, mais je vais le mettre sur le Facebook plus tard dans la soirée. Ben, plus tard, dans le fond, vous allez le voir sur le Facebook. Sinon, après ça, j'ai un autre jeu iOS. Moi, je ne me suis pas forcé des nouvelles, ça paraît trop. Infair I Trust, un genre de film, un jeu épisodique d'horreur. Ça a l'air pas pire, mais tu sais, c'est comme les vieux jeux. Je sais pas si vous aviez joué dans le temps. Voyons, le nom m'échappe. Voyons, pas Phantasmagoria. Ouais, ça, Phantasmagoria, des jeux de même. Oui, c'était fou, ça. Ça a l'air épisodique un peu de même, mais comme au lieu d'être des personnages de film, c'est des personnages faits avec le Unreal Engine 3. Puis sinon, je vous invite à regarder un petit court-métrage de Living Want Me Dead, une petite affaire de zombies, puis sanglant un peu. Ça date de 2010, mais j'ai tombé dessus il n'y a pas longtemps. Fait que ça vaut peut-être la peine de jeter un petit coup d'œil. Ça aussi, tu vas mettre le lien sur le Facebook, j'imagine? Oui, ça va être sur le Facebook. Parce que oui, le show est rendu sur funjoyjeu.ca, mais faut pas oublier que le Facebook marche toujours. Hein, ceux qui nous découvrent, n'oubliez pas de venir nous aimer. Ouais. C'est donc bien dit. Venez nous aimer. On est fin. Aimez-nous. Next, Kevin, qu'est-ce que tu as des nouvelles? Ah, ben moi aussi, je vais ravir ceux qui disent qu'on parle pas assez de jeux, parce que, dans le fond, il y a eu l'annonce de la PS4 là, qui s'est faite hier. Oui. Ben, pour ceux qui nous écoutent en différé, donc tout le monde, ça s'est passé vendredi. pas vendredi, jeudi, excuse. Mercredi. Mercredi, ouais, c'est ça. Remettez-moi à l'ordre. Alors, c'est le 20. Ouais. Ouais, le 20, c'est ça. Dans le fond, il y a Diablo 3 qui a été annoncé pour la PS4. Ça va être basé sur le jeu sur console, sauf qu'il n'y aura pas tous les bugs qu'il y a eu à la sortie PC. Attends, qu'ils disent ça, ça veut pas dire que ça va... Ouais, qu'ils disent, c'est ça, exactement. Bien. On va voir ça rendu là. On est habitué des fausses promesses de Blizzard. Ouais, c'est vrai que les autres sont forts là-dessus. Mais en tout cas, ça va être disponible sur PS4 puis sur PS3 aussi, pour ceux qui achèteront pas à PS4. Puis ça, il n'y aura pas grand changement à part l'interface puis les caméras pour fitter avec la version console, dans le fond. Mm-hmm. Sinon, sur PS4, il va y avoir Witcher 3, Wild Hunt, qui va sortir en 2014. Un jeu quand même assez intéressant. Je sais pas si tu as joué à Witcher 2. Là. Mais oui. Ouais, c'est ça. C'est de la bombe. Ah, comme ça on risque. Dit. Y ont-tu parlé dans la conférence? T'as-tu suivi la conférence de Sony, là? Non. Ok, non, mais c'est parce que je me demandais. C'est parce que j'ai entendu parler entre les branches qu'il y avait eu un price tag de lancer, comme de quoi qu'il parlait d'une tranche de prix de 500$, puis j'avais comme de la misère ouais, à voir ça. Ben, il y a deux prix qui ont circulé. Un de. Il me semble c'est 459, puis l'autre 559. Ça dépendrait, genre, il y en a un qui a le Blu-ray, puis l'autre, t'as juste les jeux en streaming. Pas dans le streaming, excuse, dans le cloud. Fait que. Hey. Mais c'est ça. T'sais, j'espère que ça sera pas ces prix-là, parce que c'est quand même élevé, mais c'est moins élevé que la PS3 quand elle est sortie, mais c'est quand même élevé. T'sais. Ouais, ben honnêtement, moi c'est pour ça que je le croyais pas, parce que je trouvais que c'était comme pas assez cher, parce que écoute, je me rappelle... Pas assez cher, ouais. La PS3 est quand même sortie à 7, je pense, à 6,99 ou à 7, attends. Ouais, c'était ça, 6,99, en plein ça. Ouais, mais PS3, faut pas oublier, c'est sorti en même temps que le Blu-ray pis tout, là. Ouais, c'est ça, c'était une nouvelle technologie, ouais. Ouais, je peux comprendre. Il y avait ça. C'est tout pour tes nouvelles? Non, j'en ai un autre. Ben, en fait, c'est une petite nouvelle, là. C'est pas vraiment horreur, là. Mais c'est juste qu'il y a des chercheurs américains qui ont mis au point une cellule zombie. Ah oui! Dans le fond, c'est une tu sais, les autres, ils ont pas attendu que l'invasion zombie se produise et ils l'ont poussé aussi, puis là, tu sais, ils veulent que ça se passe, là. Fait qu'ils ont, ouais, mais attends, là, il y a combien de films qui commencent de même, là? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je faudrait checker ça dans les prochains mois, là, si on n'a pas une invasion de zombies qui commence au New Mexico, là, parce que c'est cela. Ça serait malade, ça. Ça serait cool, hein? T'as-tu mis... Moi, je suis prêt, j'ai déjà mon arbalète d'acheter, puis tout. As-tu mis le lien de l'adresse pour sur le Facebook? Ah, je pourrais, ben oui, c'est vrai. Ben, tu feras ça. Gars, je fais ça à l'instant. Ben, excellent, ça. Ben, pendant ce temps-là, on va passer à Steph. Qu'est-ce qu'il y a de neuf par chez vous? Tes nouvelles? Ben, écoute, deux grosses sorties d'albums. Une 22 mars, End of Disclosure, Hypocrisy. Oh! Pour ceux qui connaissent... C'est sûr, c'est un très bon album. Je l'ai pas écouté, là, mais c'est sûr, ça va être un très bon album. 19 février, donc, si je me trompe pas, c'est un mardi. Oui. De Dixie Dead, de Wednesday 13. Tout le monde sait que je suis un grand fan de Wednesday 13. Oui, sauf écoute, des albums remix. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, il a tombé dans le pattern de tout le monde. Il a sorti un remix, là. On n'a pas le choix, à un moment donné. Mais c'est ça, je l'ai pas eu encore, là. Je suis quand même déçu, là. J'ai joué à Guardian toute la semaine, là, fait que... Je vais réussir à sortir en fin de semaine. Non, c'est ça. Puis je me suis créé un nouveau compte Facebook, YouTube sur le vieux jeu. Écoute, allez me dire des je t'aime. Non, allez cliquer j'aime. Non, allez voir ça. Écoute, je vais critiquer des petits jeux bien que t'aimes. C'est bon. Si qu'on cherche de l'amour à soi, même, ça n'a pas d'allure. Ouais, c'est mon petit côté que t'aimes. Non, c'est non, ça. Je me suis amusé à faire du mixage vidéo. Là, je m'impressionne, écoute. Ben tant mieux si tu t'impressionnes. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin d'amour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ah oui, qu'on fait pas de show. Fait que là, on essaye de rendre ça agréable. Fait que, parlant de rendre ça agréable, on va passer à notre premier film. Comme je disais, on passe aux choses sérieuses. On va parler de films, mais aujourd'hui, on va commencer avec... Silent Hill Revelation, qui est sorti. Il est sorti quand, ma foi... Cette semaine dernière en DVD, si je me souviens bien. Si on aurait fait le show d'un temps, les deux films qu'on va parler en soir, on les aurait eu, on aurait fait des primeurs avant tout le monde. Ouais. Tu sais, des fois. Silent Hill Revelation, bon, 2012, sorti le 28 novembre en réalité, en salle. 5.2 sur IMDb. Ils sont généreux. Ouais. Ben... Calice. Attends. Calme-toi. Oh, ouais. Dirigé et écrit par Michael J. Bassett. Lui, je sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais sinon, c'est tout à fait normal. Tout ce qu'il a fait et qui a été reconnu pour, c'est la terrible adaptation de Solomon Kane, que, écoute, c'est un fucking navet, man. Vraiment, écoute. Puis, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mettant en vedette Adelaide Clemens, qu'on connaît pas vraiment dans le rôle de Alessa ou Heathers, comme vous voulez. Kit Harington, ou mieux connu sous le nom de Jon Snow, Jon Snow. On a donc de la misère à se défaire de Jon Snow, d'ailleurs. Ouais. Dans le rôle de Vincent, Carrie Ann Moss, qu'on connaît. Sean Bean, que, curieusement, je sais pas si c'est un spoiler, mais de dire qu'il meurt pas dans un de ses films, c'est assez rare. petite apparition de Malcolm McDowell, toujours très cool. Un budget de 20 millions de dollars, croyez-vous ça? Bon, allons-y avec un résumé vague de l'histoire, parce que c'est ça, j'ai pas pris de notes. L'histoire a été racontée d'une drôle de façon dans le film. Faut dire que c'est une suite. Premièrement, les gars, avez-vous tous vu le premier? Ouais. Le premier était bon, moi aussi j'ai trouvé bon, mais le premier était extraordinaire. Ouais, c'est pour le macam. T'es en train de gorger là aussi. Fait que c'est ça, le premier, bon, moi c'est ça, comme tout le monde l'a dit, je l'avais bien aimé, il était vraiment bon, c'était pas extraordinaire, c'était pas tout cassé, mais c'était un très bon film d'horreur, ça, je veux dire, il faisait le job, l'ambiance était là, toute la patente. Sauf que, bon, c'est ça, d'amener un espèce de réalisateur foutrement noob, c'était un peu risqué. Pour une suite, déjà qu'une suite, si tu veux amener ça comme d'une bonne façon, ça prend quelqu'un qui a des bonnes idées, ça prend quelqu'un qui a un certain talent d'écriture, quelqu'un, tu sais, un scénariste qui a des idées. Puis ben là, c'est ça, c'est qu'on commence en plus en nous garochant que le film est la suite directe du premier. ça se passe 10 ans après. Ce qui arrive, c'est que c'est la suite du premier, le premier qui était l'histoire du premier jeu. Et puis ça, ben ça se trouve être l'histoire du troisième jeu. Ben, c'est dire qu'on fait ça bref. Ben, C'est comme dans les jeux, parce que les jeux, dans le fond, le deuxième, il n'y a pas rapport. Pas qu'il n'y a pas rapport, mais c'est le même des jeux aussi. Le premier, dans le fond, le 3, c'est la suite du premier. Ouais, sauf les 5 dernières secondes du film. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est tout pour nous mêler. Fait que, bon, ben c'est ça. C'est l'histoire de Heather, qui se trouve être, bon, on comprend bien assez vite, que c'est la petite Alyssa du premier film, qui a vieilli 10 ans plus... parce que le film se passe 10 ans plus tard, qui se promène avec son père de ville en ville pour suivre du monde. Ben, quelque chose qui les poursuit. C'est assez vague. Comment est-ce que c'est raconté? Fait qu'elle sauve de... On nous parle d'un, ouais, on nous parle de l'ordre un peu qui court après, mais tu sais, c'est vague. Il y a l'histoire d'un médaillon que le monde veut chercher qui est encore vague. On nous parle d'un meurtre aussi qui a eu lieu, qui c'est très vague. On dirait un mauvais film de Jackie Chan. Ouais, à cause du médaillon. Ouais, c'est ça. Non, mais ce qui arrive, c'est que bon, au début du film, on a une scène où le père, joué par Sean Bean, regarde dans le miroir et on voit la fin du premier film et avec un espèce de lien pour nous amener à l'histoire de celui-là. Ouais. Ça, écoute, ça se passe au tout début. C'est tellement mal garoché. C'est mauvais, tellement mauvais. Mais, hein. Ça fait dur. J'ai été découragé en voyant ça. Écoute, j'attendais ce film-là. Je voulais voir Silent Hill Revelation comme gros comme le bras. J'avais tellement aimé le premier. Là ils montrent ça, je me force. Je me dis non. Je ne vais pas le juger pour comment ça... juste pour ça, c'est ça. Voyons, ça n'a pas de sens. Toutes les fans gamers qui trippent sur l'horreur ont attendu ce film-là, c'est sûr. Ouais, mais écoute, pose ça, on est réaliste aussi, là, des films de jeux vidéo, ça n'a jamais été... Ça n'a jamais été, non, c'est ça, comme tu dis. C'est ça. Ça n'a jamais été. On a Youable pour en parler. Tout ça pour dire que, bon, on nous amène tranquillement, pas vite, dans la ville de Silent Hill, avec une histoire qui tient pas, qui marche pas, qui est poussée bien tranquillement, puis de façon très très très maladroite, on finit par nous amener, notre actrice principale, notre Jon Snow, dans la ville de Silent Hill, où ce que, bon, peu importe l'histoire, c'est là qu'on veut. On veut que ça soit beau, on veut que... Écoute, le premier était tellement beau, tellement bien fait, puis c'est ce que je trouve qui a été bien réalisé. Honnêtement, s'il faut donner des points à ce film-là, malgré que les effets spéciaux sont gravement, quand tu l'écoutes en 2D, les effets spéciaux sont gravement faits pour le 3D, ce qui fait qu'il y a plein de choses qui marchent pas, puis il y a des détails qui ont été beaucoup trop poussés pour rien. On fait avec. Sans ça, le film est quand même beau. Dans la ville de Silent Hill, on s'y reconnaît. Il y a des moments gore, il y a des créatures, il y a une scène de poursuite dans... Disons, bon, tu veux dire les décors puis les personnages. Oui, disons, la photographie et la scénaristique, c'est vraiment beau. Y a une scène en particulier où pour pas donner de spoilers, il y a une grosse foutue araignée de la mort qui court après notre antagoniste. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment cool. Là, faut y donner ça. Ah ouais? T'as trouvé ça cool? T'as pas aimé ça? Je sais pas. Je trouve ça... Ça a fait un... Ça avait pas de lien vraiment avec... les Silent Hill qu'on connaît, tu sais. Ah, non, mais là, moi, faut le prendre à part. Faut le prendre à part, mais tu sais, ils se prétendent être un de ceux qui a été plus proche de la série de jeux vidéo. Ils vont nous garocher ça, tu sais, en tout cas. Ils disent la même chose pour Resident Evil. Là. C'est cela. C'est une autre histoire, ça. Fait que, ceci étant dit, j'ai bien aimé la créature, j'ai bien aimé les scènes avec Pyramid Head aussi, dans un corridor avec... Tu sais, quand on regarde la pochette du film, on voit un corridor avec des bras puis le gros Pyramid Head. C'est hot. Ce bout-là, c'est quelque chose que j'ai adoré. L'histoire nous amène, c'est ça, tranquillement pas vite, vers l'ordre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi est-ce qu'ils veulent retrouver notre petite fille? Pourquoi est-ce qu'ils veulent... Alyssa est encore dans le plan. Tu sais, ils ont comme été chercher trop d'éléments du premier qu'on aurait pu oublier. Trop de nouveaux éléments. Essayer de mélanger ça. Presser le citron. Donner presque pas de jus. Puis on va faire un film de 1h30 là-dedans avec du matériel pour faire... Je pense qu'il y avait du stock pour faire une trilogie, là. Soyons réalistes un peu, là. Ils en ont beaucoup trop mis dans vraiment pas assez long. C'est ce qui fait que c'est garoché n'importe comment. C'est ce qui fait qu'il est dur à suivre. À part de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une scène avec Malcolm McDowell qui, écoute, quand tu vois son nom dans les crédits d'un film, tu fais comme « Ah, ça va être cool ». Même lui, je l'ai trouvé plate. C'est pas drôle. À part de ça, qu'est-ce qu'on a? On a des scènes... Des scènes intéressantes dans... Tout le monde qui a joué au jeu vont se rappeler la merveilleuse maison hantée. Dans l'espèce de carnaval. Là. Ouais. Et puis là, on arrive dans le film, on arrive direct là. Là, on se dit, ça va se passer. Là. Dans le jeu, c'était un moment fucking extraordinaire. Fucking... Non. Ça... Non, ils ont comme oublié ça. Non, ça va de déception à déception, ce film-là. Pour ce qui est de la fin. Ils ont gardé la radio qui griche. Ouais, puis les lapins. Ouais, puis les lapins sont vraiment cool. Les lapins, ils servent à fuck all, man. En effet. Tout ça qui nous amène vers une fin que, je vais être bien honnête avec vous autres, même si j'ai écouté le film la semaine passée pour le show, il a fallu que je le réécoute tantôt parce que je me souvenais plus de la fin. Ça donne déjà un bon aperçu de comment est-ce que ça m'a marqué. Ouais. Fait que je vais donner, en conclusion, moi, j'ai été extrêmement déçu de ce film-là, d'un bout à l'autre. Sérieusement, là, à part le fait qu'il est beau. Parce que, bon, c'est sûr, l'environnement de Silent Hill, la ville, comment est-ce que c'est fait, les centres, puis tout, les décors, c'est hot, là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je suis pas capable d'écouter tout un film pour ça. Sinon, je vais écouter un fucking short movie de 20 minutes qu'il y a du monde qui se fend le cœur en 8 pour en faire comme ça. Fait que c'est vraiment pas bien scénarisé, c'est vraiment... Ah, les dialogues, j'ai pas parlé des dialogues. Comment? Même pas besoin d'en parler, Les espèces de cheap dialogues qui parlent de Facebook pis de cash. Les cheap scares, man. 10 minutes en partant dans le film, ils font un cheap scare avec des Pop-Tarts dans le toaster, man. Ça annonce le reste du film. Exactement. Fait que ce que je peux dire, c'est que moi je le conseille pas pantoute. C'est un beau film, mais vraiment une platitude au niveau de l'écriture. Les acteurs sont. Comment dire? Sean Bean est un acteur sérieux. On le voit pratiquement pas là-dedans. Il sert pas à grand-chose. C'est un accessoire. L'actrice principale est correcte, quoique peu crédible. Ouais, puis Jon Snow, honnêtement, il est très bon dans le rôle de Jon Snow. On n'est pas capable de sortir Jon Snow. Moi, je sais pas. Là, mais non, ça marchait pas pantoute. Non, c'est pas juste toi, moi, tout. Jon Snow, peu importe les faces qu'il faisait, je voyais juste Jon Snow qui était un fils bâtard. Puis même dans ce film-là, il y a de l'air d'un fils bâtard, tu sais. Ouais, exactement. La scène principale où ce qui est là, qu'on avait vu dans les premiers trailers, qui nous avait tous énervé ben raide, c'était fou. Là, la scène des infirmières. Mm-hmm. Ouais, ben. Finalement... Ben, cette scène-là est pas pire aussi. Ouais, mais c'est. Ça en est une des pas pires. Oui, mais on l'avait vu, tu sais. On avait vu le trailer. Ouais, c'est ça. C'était ça, il s'est pas rien passé de plus. Puis ça se passe comme qu'on pensait que c'était pour ça passer. Voilà. Tout ça pour dire que c'est ça. Non, je le conseillerais pas à personne, ce film-là. Ça a été une énorme déception, même si je m'attendais à pas grand-chose. Mais j'avais des, comme qu'on dirait, excusez le latin, des très très low expectations pour ça. Mais non, même encore là, j'ai été déçu. Toi, Kevin, t'as l'air un petit peu choqué. T'as l'air un peu grindé. Parle-moi-en donc. Moi, j'ai haï ça, ce film-là, mon gars. Man. C'est Heather qui court dans les corridors tout le long du film. Puis tu vois des bébêtes à peu près 2-3 fois dans le film. C'est mauvais. En plus, ça se prétend être un film qui se base sur le jeu vidéo. Mais moi, si je me souviens de mes expériences, quand j'ai joué au jeu, c'était vraiment plus intense que ça, plus immersif. Puis, ben, tu sais, c'était plus d'émotion, tu sais, à y jouer. Là, t'écoutes ce film-là, l'histoire est garochée. Tu comprends rien. C'est mauvais. Allez pas voir ça. Ben, pas aller pas voir ça, mais louez pas ça, s'achetez pas ça, c'est mauvais. Ouais, je suis assez d'accord. Steph, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben déçu, honnêtement, comme tout le monde. Là. Non, sérieux, le début t'as pas pire, par exemple. Il amenait quoi de bien, je trouve. Puis là, à un moment donné, ils sont tombés dans la routine des films d'horreur style adolescent, je trouve. Là. Ouais. Moi, je te trouvais ça plat. Dans le premier, je trouve la ville était mieux représentée. Ouais. Ben, on la voyait beaucoup plus aussi. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il se perdait, il cherchait là. Okay, s'il ouvre une porte, celle-là. Tu sais, il change de bord de rue, ils sont arrivés à l'autre bâtisse. Puis, sinon, tout s'enchaînait trop bien. Là, c'était vraiment plate pour ça. Puis, non, ça, c'est honnêtement bien déçu comparativement au premier. Là. Ouais, je suis obligé d'être d'accord. Puis, René, pour toi? Ben, c'est sûr que ça sera pas original, là. Moi aussi, je pense. Hey, c'est bon, tu sonnes comme un... Les bugs recommencent, mon René. J'ai évité de la pointe, ça. Ferme les torrents, là. Ouais, c'est ça. Ferme tes torrents, ferme tout, là, on t'entend. Ah, même pas, c'est bizarre. À moins que la madame ait pris le contrôle de son internet à quelque part. On n'entend rien de ce que tu dis. Fait que finalement, on va se passer l'opinion de Vraiment. Fait que on va donner un overall là-dessus. Perdez pas votre temps, allez louer le jeu Silent Hill 3 sur PS2 ou sur Xbox original. Puis passez une belle veillée là-dessus. Voilà. Tant qu'à perdre. Rappelez-vous des bons souvenirs sur les vieux jeux au lieu d'aller louer cette merde. C'est ça, puis de perdre 1h34 de votre vie que vous aurez jamais. C'est rare que je plante un film à ce point-là. Je pense que la dernière fois que j'ai aussi été déçu d'un film, c'est Piranha 3DD. Mais non, on a vraiment matière à être déçu. C'est un rien de film, vraiment pas intéressant. C'est un navet. Ouais. Steph, fais-nous donc oublier ça. Puis je sais qu'à soir, tu m'as envoyé ta liste de tonnes que tu voulais nous passer, puis tu nous gâtes en violence. Ben écoute, les films avaient de l'air violents. Je vais aller violent à côté tout. Ah, fait que t'as choisi avant d'écouter les films. Ouais, ben c'est ça. J'ai été déçu un petit peu. Ben. Non, écoute, premier band, The Acacia Strain. Oui. Un band de Chicopee au Massachusetts, aux États-Unis. Sont classés deadcore. Ça roule depuis 2001. Honnêtement, là, ça roule depuis 2001, là, mais je regarde les members, les past members. Écoute, sont 9 past members, puis sont 4 aujourd'hui. C'est triste, là. Écoute, c'est un band qui persistera jamais à cause de ça, là. Le roulement de membres est trop fort, là. Mais honnêtement, ceux qui aiment Whitechapel, The Devil Wears Prada. Tout le monde doté d'oreilles devrait aimer Whitechapel, point barre. Ouais, ben c'est ça. Non, moi, je capote là-dessus. Bon, vois-tu? Même la rap star. Violent. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas mal violent. Là. Donc, c'est une toune sur l'album Wormwood. Ils ont 1, 2, 3, ils ont 6 albums. Calice. Ouais, ils ont 6 albums. Honnêtement, il y a pas mal de démos puis de petits 2-3 tounes d'albums. L'album est 2-3 tounes. Ouais, c'est ça. Là. Des vrais albums, d'après moi, c'est 3, là. Il y en a un qui est sorti mardi, si je me trompe pas. Je pourrais pas vous donner le titre de l'album. Là. Je tabarnouche mort. Ben, donne-moi le titre de la toune à la place. Je fais ça un coup de règle sur les doigts tantôt pour ça. Donc, on va y aller avec The Hills Have Eyes. Ah, ben tiens, belle référence. Un yes, classique puis si vous aimez pas le début, allez à 2 minutes 55 de la toune. C'est écœurant. Non, si vous aimez pas le début, allez vous prendre. Oh, bien dit. Yes, sir. Oh, merci mon Steph pour ce choix qui déménage pour ne pas. C'était écœurant. Ouais, c'est ça. C'est ça, je voulais dire que ça n'a pas été facile. Allez, passons au deuxième film. Sinister, lui qui est sorti, il est sorti quand? Il est sorti cette semaine, si je me souviens bien. Encore une fois, si on aurait fait le show la semaine passée comme c'était prévu, on aurait peut-être eu l'air de, d'avoir des primeurs, mais non, on l'a encore échappé celle-là. sorti le 7 novembre 2012 au Cinoche, on s'entend, dirigé par Scott Derrickson. Qu'est-ce qu'il a fait lui, Scott Derrickson? Je m'en souviens plus, fait que je regardais dans mon IMDb dans même. Ah oui, ben oui, je me rappelle. Il a fait l'exorcisme d'Emily Rose qui était pas si mal. Non, moi j'avais pas vraiment pas détesté. Ce qui m'avait inquiété en regardant son IMDb, c'est que c'est lui qui a fait Hellraiser Inferno. Hey, en parlant, excuse, je peux te couper 2 secondes? Vas-y. Il y a un nouvel exorciste qui va sortir, je sais pas si vous avez vu ça. Ouais, ben le last le exorcisme. Dernier exorcisme 2. Ouais, c'est ça. Le dernier, mais le 2. Le 2, c'est ça. Ouais, je pense que c'est Bruno Georges aujourd'hui sur Facebook qui disait il y a de quoi je comprends pas, là. Ça fait 2 fois que c'est le dernier, ça marche pas. Puis en plus, c'est quoi, il a annoncé le 3, la vengeance du démon. Pour vrai? Non, c'est pas vrai. Le monde se force plus pour avoir des idées, c'est débile. Fait que c'est ça, pour en venir à Scott Derrickson, ça m'avait inquiété quand j'ai vu que c'est lui qui a fait ça, Hellraiser Inferno, qui, malgré qu'Hellraiser c'est une série que j'adore, que je sais pas pourquoi j'adore dans le fond, parce que je pense qu'il y a juste les 3 premiers films qui sont écoutables. Sur combien? Sur 9. 9, ok. 10 avec l'espèce de nouveau... reboot, pas remake, qui est pas un reboot non plus. En tout cas, c'est assez complexe. De toute façon, il est pas bon. Fait que c'est ça. J'ai été rendu où? Mettant dans vedette Ethan Hawke dans le rôle de Elison Oswald, qui se trouve être notre principal antagoniste. Et un paquet de monde que on connaît pas puis on n'a pas vraiment besoin de connaître. En résumé, je vais aller voir. Ah oui! Un budget de 3 millions de dollars. Ça. Ouais. Elle a 3 millions, puis Silent Hill de tantôt 20. Ouais. Mais colique, mon gars. C'est bon de parler du budget de ce film-là pour une fois, parce que je trouve que, puis ça, on va en parler tantôt, je trouve que Sinister, malgré sa grosse prémisse, puis c'est ça, bon, Ethan Hawke qui n'est pas un acteur nobody, je trouve que c'est un film de série B. Puis ça, ça n'a rien de mauvais, là. Je dis jamais ça, c'est jamais péjoratif pour moi de dire qu'un film est un série B. Mais c'est... Tu sais, c'est comme le point qui confirme ce que... En tout cas, on... Série B dans sa réalisation, toi, tu veux dire, dans le fond. Ben, dans l'overall, un série B. Dans l'overall, ouais. C'est vrai que si tu checkes le budget, c'est sûr que c'est 3 millions, mais c'est, tu sais, ça veut juste dire qu'à 3 millions, tu peux faire des bonnes choses. Ouais, mais 3 millions, c'est 1,5 à Ethanox, puis 1,5 pour le film. C'est vrai, ça. Ceci étant dit, c'est l'histoire d'un auteur qui se trouve être interprété par Ethan Hawke, qui s'appelle Elison Oswald, qui, lui, est un auteur de romans policiers, qui a fait son nom avec son premier roman, qui a permis, si je me souviens bien, parce que l'histoire était c'était assez nébuleux au début, si je me souviens bien, l'histoire de son premier roman a permis l'arrestation du réel coupable, puis que ça l'a traîné un peu la police dans la boîte, là. Ils ont eu l'air un peu fous à cause de cette histoire-là. Ouais. Puis c'est ça, il a fait un succès à partir de ça, écrit plusieurs livres depuis, jamais eu un grand succès. Et puis là, il emménage avec sa famille dans une maison où la famille ayant habité là avant lui ont été retrouvés pendus dans la cour en arrière. Ça, évidemment, c'est pour, bon, c'est sûr, c'est pour enquêter là-dessus, pour c'est l'inspiration pour son prochain roman, parce que lui, bon, il cherche son prochain gros hit. Bon, tranquillement, pas vite, on se rend compte que ça va pas se passer de façon assez... Comment je dirais ça? De la façon la plus simple possible. Évidemment, il en a pas parlé à sa blonde ni à sa famille que, bon, c'est ça, les anciens occupants ont été retrouvés pendus dans l'arbre en arrière. Je comprends pas pourquoi, ça me semble... Je sais pas, c'est le genre de choses que je sais pas. Tu sors ta blonde, puis elle sort, ben oui, ben pourquoi pas. Une parenthèse comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, c'est une très belle maison. Mais plus tard dans le film, il va retourner à son ancienne maison qui est un fucking château. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça prend des arguments pour traîner ta petite famille d'un fucking château à une maison. Ah, oh, mais je sais pas, ça a l'air d'être le gars qui se promène de maison pas hantée, mais de maison qui s'est passé des affaires fuckées à de maison qui s'est passé des affaires fuckées, d'après moi. Là. Peut-être aussi, mais ouais, dans le fond, ça coûte toujours moins cher quand il y a du monde qui sont bons. C'est ça, tu sais. Parce que le vendeur, il a comme de la misère à te. À te vendre la maison quand il y a eu 4 morts pendus dans la cour, là. C'est comme... Tout ça pour dire que, bon, dans le... dans l'installation pendant qu'ils défont les boîtes, bon, il se ramasse au grenier, il trouve, tombe sur une boîte de films de 8 mm qui ressemble à, disons-le, des films snuff. On voit d'ailleurs la fameuse scène plutôt choquante où la famille se fait pendre à l'arbre. On voit bien comme faut le monde accroché, le monde pendu, l'arbre cassé, la branche cassée, l'espèce d'effet d'entraînement de la poulie. C'est bien fait. C'est assez. C'est vrai que c'est bien fait. Le fait que ça ait vraiment été tourné au 8 mm puis représenté de même, j'ai trouvé que ça. Je sais pas, on dirait que c'était creepy à mort juste à cause de ça. Ah, c'était bon. Mais moi, il y a une affaire, je comprends pas pourquoi. Vas-y, vas-y. Tu sais, le gars, pourquoi il se met de la musique crissement stressante quand il écoute ces vidéos-là? C'est pas lui qui se met ça, ça, c'est un peu. Ah, ok, c'est dans le film, ok, ok. C'est une Ah, c'est beau, continue, excuse-moi. Tout ça pour dire que, bon, il y a plusieurs bobines de films, donc plusieurs meurtres, je pense 5 au total. Ouais. Toutes des affaires plus sordides les unes que les autres. Là. On a la famille pendue dans l'arbre, on a une autre famille qui se font brûler dans leur voiture. La Neyie est quelque chose. La Neyie est vraiment quelque chose. La famille qui se fait. Ils sont dans des espèces de chaises pliantes sur le bord de la piscine, puis on voit quelque chose qui tire sur des cordes, puis qui les amène brûler. Il y a des briques aussi qui a la tête. Ils ont du duct tape aussi, mais du duct tape, c'est facile à enlever. Yes. Ouais, ça dépend qu'on tire. T'as-tu vu les Mythbusters, ils font des avions avec ça? Ça dépend juste du nombre de tours. C'est vrai, ils font des ponts et tout avec ça. Tout ça pour dire que toutes des meurtres les plus creepy les uns que les autres. Bon, plus on enquête avant, je veux vraiment pas trop spoiler parce que c'est facile de l'échapper dans ce film-là. Ouais. Mais plus que son enquête avance, plus qu'on se rend compte que, bon, on fait place, tranquillement pas vite, à quelque chose qui pourrait être surnaturel. Puis ça... On aime ça dans les films, on n'en voit plus justement de l'espèce de... C'est qu'on aime ça. Ben oui, c'est toujours cool d'avoir une raison qu'on comprend pas, disons-le. Fait que c'est ça, tranquillement pas vite, on fait place à une espèce de personnage qu'on appelle Boogie. Ouais, Boogie. On le voit dans les previews, je pense. Oui, qui est un espèce de clone entre Death de Darksiders 2 et un des guitaristes de Slipknot. J'avoue. Non, sérieusement. C'est une belle comparaison. Il est ça. Fucking pareil, là. C'est vrai, c'est puis, sérieusement, il est aussi creepy, pour pas dire. Je peux pas dire comment ce qu'on... à quel point qu'on le voit. Tranquillement, pour le vite, on se trouve à le voir de plus en plus. On se trouve à voir des enfants, les enfants qui sont disparus. Parce qu'à chaque famille où il y a eu un massacre, disons, parce que la famille a été complètement éliminée. Il y a un enfant qui est disparu. On se met à voir ces enfants-là apparaître un peu partout de façon creepante à mort, man. Des fois, je peux dire que, disons, que j'ai manqué de mouiller ma couche une couple de fois. Puis... Écoute-moi, un moment donné, je pensais que mon voisin allait venir cogner tellement que j'ai crié fort, mon gars. Ben, c'est un peu là, je vais en venir. Ce film-là, du début jusqu'à la fin, faut pas avoir peur de le dire, c'est des cheap scares tout long. Mm-hmm. Ils nous font faire le saut, mais il marche. Il y en a trois bons, là, et dont un, là, que, man. Trois? Ah, moi, j'en ai compris plus que ça. À toutes les fois, ce qu'on va voir Boogie, moi, ça me l'a fait. La première fois, ce qu'on le voit en vrai, j'ai failli les enfants, moi, ben, je l'ai toujours dit, il y a deux choses qui me terrorisent encore aujourd'hui dans les films d'horreur, c'est les enfants et les petits vieux. Les enfants là-dedans, ils sont vraiment... c'est efficace. Une bonne ambiance qui nous amène à développer une histoire intéressante. Contrairement à ce qu'on parlait tantôt avec Silent Hill, tout est bien raconté et le pacing est extraordinaire. Ça, asti, ça n'a pas de prix quand que tu te rends pas compte du temps qui passe en écoutant ton film. Comment j'expliquerais ça? Rendu dans le milieu du film, on pense qu'on est à la fin, de la façon dont on suit l'histoire. Puis là, check toujours le timer. Où est-ce qu'on est rendu? Non, ça se peut pas. Comment est-ce qu'ils vont virer ça? Moi, ça, c'est le symbole d'une bonne histoire bien montée. Quand le pacing respire à la bonne vitesse, comment j'expliquerais ça? Ben, c'est ça. Finalement, le film a marché. La façon que la fin a été apportée, la façon que le développement l'amène, j'ai trouvé ça juste génial. C'est dur, je le patine un peu comment je le raconte, mais c'est parce que je veux pas spoiler. Des cheap scares en masse, tant que tu veux, une histoire qui a du bon sens, vers la fin, une conclusion plus que satisfaisante, mais S'il y avait un point faible à donner dans le film, ça serait ça. Ça, on peut pas le spoiler bien, bien parce que je pense qu'il y a juste moi et René qui a vu la fin de ce film-là. Curieusement, Kevin, t'as manqué. Ah, moi, il me manquait les 15 dernières minutes, mais comme tu m'as dit tantôt, c'est ce qui gâche le film, fait que j'ai quasiment pas le goût de les écouter. Mais, pas gâché. C'est pas ce qui gâche le film, c'est juste que... C'est pas dans la même direction que ça s'en allait. C'était comme pourquoi? Non. Okay. Tu seras pas déçu. Ok. Sauf que, comment j'expliquerais ça? Parce que c'est bon, parce qu'en même temps, ça va expliquer aux gens qui l'ont pas vu. Ouais, explique-moi donc ça, Pierre. Je vais y aller. Regarde bien ça. C'est que, comme j'ai dit, tout le long, ce film-là fait une place pour quelque chose de paranormal. Ouais. On sait que c'est ça, parce qu'écoute, on a des apparitions. D'ailleurs, on a des scènes, je sais pas si vous avez remarqué, vous avez toutes vu les trailers de ça. Il y avait une scène qui me faisait foutrement peur dans le trailer où on voyait une fille sortir d'une boîte la tête en bas. Ouais. C'était un garçon. C'était un garçon finalement, c'est ça. Ah, ben vous l'avez vu dans le film? Oui. Ah, ouais. Ben, je sais pas, je vais être en train de pisser de bord parce que moi je l'avais pas vu pantoute dans le film, j'étais un peu déçu. Ouais, dans le fond c'est son gars, c'est son kid qui... Un terrain nocturne. Ouais, c'est ça. Assez lui, okay, lui fait ça dans le fond à toutes les... Qu'est-ce qu'il... Fait que là, ça, étant donné que tout le film nous amène vers l'espèce de... On s'y attend à la fin. Et puis, il nous manque un petit punch, une petite tape dans la face qui se fait comme « Waouh, malade! » Qui ferait que ce film-là aurait été un fucking pur chef-d'œuvre. Qui enlève rien, là, OK? J'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que, écoute, si on compare ça à notre Silent Hill de tantôt... C'est un chef-d'œuvre à comparer ça. Ah, oui, j'y retourne 50 000 fois avant... Sauf que c'est juste ça. Il manquait un petit quelque chose à la fin de ce film-là pour me rassasier complètement. Un petit quelque chose. Vraiment pas quelque chose de majeur, mais. C'est peut-être moi. Écoute, j'ai lu en masse ce film-là. Toutes les critiques sont pratiquement unanimes comme de quoi c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est un bon film. C'est ça. C'est un bon film. C'est un bon divertissement. Il est vraiment hot. Là. Écoute, ceux qui veulent, moi ma blonde écoute des films de même avec moi, elle jump à rien. là, moi c'est moi qui ai jumpé tout le long, fait que j'ai pas besoin de vous dire que ça fait. C'est tordant, rien que pour ça, là, ça vaut le détour. Bon petit film que je conseillerais à tout le monde, malgré le fait que c'est ça, attendez-vous pas à ce qu'il soit, comment je dirais, il est pas terrorisant, mais il nous fait peur de façon très très très très très cheap. Ceci étant dit, ben toi, Kevin, ton overall sur le film, ça dirait quoi? Ben moi, dans le fond, j'ai juste une affaire à dire. Tu sais, les vidéos qu'on voit là, tout le long, là. Ouais. J'aimerais ça voir le film de ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, quand il regarde ses vidéos, tu sais, justement, la famille, tu parlais qu'il se faisait noyer, ouais. Tu sais, qu'il se fait pendre. Mais justement, de voir un film concentré vraiment sur le boogie qui fait ces meurtres-là, tu sais, pis tout... Ouais, parce que t'es pas mal au complet. Ouais, mais t'es pas... C'est pas vraiment plus long. Ben, je veux dire, comment ça se développe? Je veux dire, cette famille-là, elle n'a pas arrivé débarquer dans une cour à se faire pendre. Il y avait une histoire avant, j'imagine. Ah ouais, mais là... Ah, man, non, c'est parce que... Je sais pas... Non, mais regarde, là, on peut pas te le dire, justement, Kevin, parce que t'as pas vu 15 ans. Ah, c'est quoi, j'ai pas vu à la fin, moi, exactement. Fait que dans le fond, ça vaut pour rien, ce que je suis en train de dire. Un peu. OK. OK. Bon, ben, René, toi, ton overall. Là, c'est peut-être Kevin de répondre aux questions. À cette heure qu'on t'entend, René, vas-y donc. Ouais, ben, moi, j'ai vraiment aimé, mais à la fin, je partage ton avis, j'ai comme fait pourquoi cette scène-là, c'est comme, tu vois que ça s'en va de mon nez, tu sais où c'est que c'est rendu, mais on dirait que, il y a un petit bout de, pas de trop, mais qui fait comme, ouais, ça vient un peu comme, comment dire, pas noircir l'expérience, mais tu sais, c'est comme, ça reste bon pareil, mais ça, on dirait que, ben moi, c'est pas qu'il y a une scène qui m'a choqué, c'est que j'ai trouvé qu'il manquait le punch. Parce que c'est tout, là, le build-up est tellement bon que tu l'attends, l'espèce de ben, conclusion. C'est ça, ton punch est là, mais il est tellement amené de manière comme, pas qu'éteinte, mais. Ouais, mais tu sais, il aurait pu avoir un petit 30 secondes à la fin de ce film-là. C'est parce que moi, je la vois dans ma tête. Je vois le 30 secondes de plus qu'il y arrive. Tu sais, je sais pas, moi, on est en Russie, puis il arrive une fucking météorite qui passe bord en bord de la maison. N'importe quoi. Non, ben c'est ça, je comprends ce que tu veux emmener, mais moi, c'est juste un peu avant ça. Tu sais, il y a une petite. Je veux rien brûler, je t'en parlerai hors ronde tantôt pour brûler le punch, mais tu sais, c'est vraiment c'est un petit quelque chose qui fait comme. Passé, mais puis avec un 30 secondes que j'aurais passé dans le même style que toi en amenant une autre affaire. Ça fait complexe comme ça, mais c'est parce que sinon, si je vais au fond de ma pensée, je vais stouler là. C'est je veux pas, mais j'ai, personnellement, j'ai bien aimé ça. C'est un achetez-le, prenez-le, louez-le, écoutez-le. Ça fait longtemps, mettons, qu'on n'avait pas eu un caressez-le. Aimez-le. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un film de cette qualité-là, c'est-tu chine? Mettons, je l'attendais. Ça faisait longtemps que j'étais dû pour un bon film dans même. Bon divertissement, il va pas, c'est pas le genre de film qu'on va se rappeler dans 10 ans, mais il fait le travail. Ouais, c'est ça, mettons que le trailer ont mis un expectation, une des attentes. Ouais. Le film répond aux attentes qu'on s'était fixées. C'est comme, ouais, je pense que tu voulais voir. Je pense que c'est vrai ce que tu dis pour une fois, c'est que le film est à la hauteur de mes attentes. Je me fais jamais des grosses attentes, surtout pour des affaires comme ça, comme je disais tantôt, je le compare, je dis que c'est un série B, c'est que c'est pas l'image que j'avais au début, là. C'est pas vraiment pas à ça que c'est pas l'image, on dirait, qu'il voulait nous montrer que c'était un série B, mais c'est pas long que tu le comprends, tu le pognes, puis ça te dérange pas. Fait que... on dirait que c'est ça, ça l'a été à la hauteur de ce que je voulais pour ce film-là. Toi, Steph, tu l'as pas vu? Ben non. Moi, j'attendais juste que tu me sortes tes excuses. Ben ouais. Ma blonde m'a demandé de dépoiler mon chat pour une soupe one time. OK. Aïe, aïe. C'est bon. Ben, c'est vrai que ça prend du temps en esti, surtout que... Ouais. Était-tu bonne? Un par un, hein? Ah oui. Non, mais c'est correct. L'excuse est acceptée. Fait que en gros, on conseille ce film-là. Puis, ouais, c'est ça. Passez Silent Hill. Puis, allez voir Sinister. Ça vaut... Ben, allez louer Sinister. Ça vaut vraiment plus la peine. Steph, musique? À ce temps qu'on t'a juste dit que t'as manqué quelque chose. Bon, ben, je vais l'écouter, certain. Vous m'avez convaincu. Non, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Excusez-moi, là. Non, c'est ça. Devil Driver. Tout le monde connaît ça. Sinon, ben, Cold Chamber. Dez, notre ami Dez. Dez a quitté Cold Chamber. Mais en tout cas, il avait quitté parce qu'il un certain retour de Cold Chamber est prévu. Fait que non, c'est ça. Je mêle entre les deux. Là. Devil Driver, ça roule depuis 2002. Écoute, c'est du death melodic groove metal. Bon, enlevez le groove, là. On va dire que ça garoche, OK? Ils viennent de Santa Barbara aux États-Unis. Maintenant rendu sur Record, les gros, en tout cas, Napalm, pour ne pas les nommer. Ils ont une couple d'albums, eux autres. Ils ont 5 albums à leur jour. Il me semble qu'il y en a un prévu cette année. J'ai pas le titre. Non, c'est un ça. Dez Fafara. Excusez-moi. Dez Fafara, il a demandé. C'est quoi, attends un peu, excuse-moi de te couper, Steph, mais tu sais, c'est quoi son vrai nom à Dez? Non, et donc? Bradley. Sais-tu pourquoi est-ce que je fais ça? Non, oui, donc. Parce ton chat? Non. Ben oui, je l'ai appelé hier, je viens de demander. Non, ben, c'est une des tunes de Cold Chamber qui arrête pas de dire qu'il déteste le nom Bradley parce que c'est son vrai nom. Ah, ça se peut. Petite parenthèse comme ça pour me faire semblant que je suis culturé. Tabarnan, ok, c'est bon. Non, c'est ça, Dez Fafarara. Tabarnan, on va l'appeler Bradley de bord. Non, c'est ça, lui et son band, Devil Driver, ont demandé en tournée de 2006 lors du Download Festival au livre des records Guinness d'enregistrer la plus grande foule pour un Circle Pit. Donc, ça vous dit le genre de musique qu'ils jouent, là. Donc, à date, c'est eux autres qui ont la plus grande foule pour un Circle Pit. Ah ouais, mais attends... C'est quand le monde sont en rond puis ils dansent, c'est ça? Ouais, si on danser, c'est un beau mot. Ben non, ils font juste tourner en rond. Mais je pense que le record a été battu. Soit qu'ils ont battu le record d'eux ou le record a été battu par Lamb of God. Ça se peut, ils se sont battus. De toute manière, c'est pas accepté parce qu'ils sont pas capables. Ils ont aucun moyen physique de déterminer la taille de la fosse. Ils ont juste à y compter. Ouais. Mais tu sais, ça prendrait juste 2-3 personnes moindrement culturées qui se mettent sur le podium. Les records Guinness, ça leur tente pas d'aller dans ces zones-là. Comme la chienne d'aller là. On parlait en début de show qu'il y a quand même des scientifiques qui ont fait des cellules zombies mortes vivantes. Fait que tu peux pas croire qu'ils sont pas capables de calculer une masse de monde qui se tape dessus. Ouais, mais c'est parce que les scientifiques puis la communauté des. Tu sais, c'est des peureux dans le fond, la communauté. tout le monde de l'horreur gamer, allez sur le Record Guinness, puis on leur demande ça. On veut savoir le nombre, la plus grosse. On fait pression pour ça. Ben oui, la plus grosse Circle Pit. Si on veut le savoir, c'est tout. Horreur gamer veut savoir. Hey, ça va être quoi la tonne tu nous fais jouer? Écoute, sorti en 2009 sur Pray for. Attends, je veux pas me tromper. Pray for Villains. Allez, écoutez, ma tune préférée, I've Been Sober. C'est bon, tellement ça, bon. On s'en va écouter ça. Yes. Yeah. Hey, merci encore une fois, Steph, pour cette énergique musique violente et agréable à souhait. Devant notre verre à cette tonne. Ouais, yes. Fait que j'ai fait le plus petit circle pit dans mon salon. Ah, ta blonde n'est pas trop amochée, là. Ah non, elle n'a pas participé. Non, mais la petite est dans le mur, je suis capable de la sortir. Ouais. Hey, ceci étant dit, les amis, dernier show qu'on a fait, on avait rajouté un segment pour donner crédit au nom à Steph, puis j'ai eu du bon feedback là-dessus, le monde a aimé ça. Fait que j'ai décidé de continuer ça, puis je vais amener un autre sujet aujourd'hui sur lequel débattre. J'ai choisi mes sujets très très larges parce que je veux qu'on puisse dire le plus de conneries possible. Non, pas des conneries, des choses sensées. Des conneries, dans quel... de quoi tu parles? On n'est pas fun jouer jeu, nous autres, là. On est horreur gamer. On n'est pas dans la communauté, nous autres, là. C'est ça. On fait notre chemin tranquillement, pas vite, vers une meilleure place dans la communauté. Ceci étant dit, aujourd'hui... C'est comme on a chez vôtre, les gars, si vous avez besoin. Le film d'horreur comme tel, le film d'horreur idéal, il n'existe pas, on est tous d'accord là-dessus, mais... comment j'expliquerais? Les éléments qu'il faut être sûr de ne pas manquer dans le film d'horreur parfait, selon vous. OK, hey, ben, regardez bien ça, on va commencer. C'est un fun de cours, là. Ouais, ben là, c'est un peu le but, il faut qu'on... C'est ça. Écoute, ben, je vais commencer en disant que... on parlait de Sinister tantôt. Des cheap scares, c'est-tu de quelque chose de si mauvais que ça? Parce qu'il y a bien du monde qui vont bouder des films à cause que c'est juste ça, comme vraiment, vraiment le cas de Sinister. C'est ce qui était le plus épeurant parce que le film, ouais. Ça, il nous a pas terrorisé pour autant. Ça n'en prend, vierge? N'en prend, mais bien exploité. C'est pas garoché n'importe où qui sert à rien. Ouais, genre un Pop-Tart dans un toaster. Comme ouais, c'est ça. Ça, c'était mauvais, mais dans Sinister, ils sont bien placés. Quelle sorte de réalisateur fait comme... Hey, moi, là, dans mon scénario, c'est un Pop-Tart qui va leur faire peur. C'est un accident. Hey, man, comment? Non, mais il y a des façons de bien faire ça. Écoute, même les foutus Paranormal Activities, il y en a des cheap scares là-dedans, mais ils sont tellement hot, là, ils sont tellement bien montés une fois de temps en temps. Moi, moi j'ai pas le goût d'aller vers ça, ces films-là, justement. T'en as pas vu? Ouais. Ben, j'ai vu le premier, puis j'ai pas vraiment accroché. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Tu sais, comme le projet Blair. Ouais. Tu sais, tu parles des affaires que c'est... Nos films d'horreur, qu'est-ce qui nous fait peur? Puis tout, moi, c'est pas le genre d'affaire qui me fait peur. Quand c'est tourné, genre que c'est censé être vrai, qu'ils ont retrouvé une cassette, puis que. Ouais. Ça marche pas pour moi. On dirait que depuis Cannibal Holocaust, le found footage, là, moi, ça. Ah, ça, par exemple. Ouais, c'est un bon film d'horreur. C'est pas quelque chose qui fait peur, mais c'est excellent. C'est excellent. C'est tourné de façon très bien, puis tout. Mais de toute façon, le found footage, là, c'est, je te dirais que c'est mort. Là, ce temps-là, faut arrêter de penser à ça. Là, aujourd'hui, il faut plus en faire. Quand on avait parlé de Rec 3, ils ont fait la transition là, entre le found footage puis le Rec film. 3. Ouais, c'est ça. Puis, quand j'étais pas là, puis j'arrivais à mettre ça. Ah ouais, mais là, c'était à toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ah ouais, non, c'est mon histoire. Non, mais dans ce film-là, ils ont fait la transition, puis je l'ai trouvé correct, puis je l'ai trouvé pratiquement même nécessaire. J'ai trouvé ça cool qu'enfin, tu sais, ils disent. C'est comme fait si dans le 2. Hein? Ben oui. Ben non, dans le 2, c'était du found footage aussi, sauf que c'était des caméras sur les casques des dudes. Ben non, dans le 2, ils sont dans l'avion. Man, tu te mêles avec Quarantine. Quel film tu parles, là? Ah, toi, t'as écouté en quarantaine. Non, mais le Genesis 3, c'est l'affaire qu'ils sont au mariage pis tout, là. Ouais, c'est Rec. Ouais. Rec, ouais, c'est ça. Ah oui, mais l'avion, ça, c'est en quarantaine. C'est avec Samuel Jackson, là, il y a des serpents. Non, vraiment, tabarnak. Mais non, il chauffe un autobus, puis il peut pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de frein, là. C'est Tom Cruise. Hey, on en revient à nos éléments. Oh, ouais, ça, je suis d'accord avec des... On dérape, là. Des cheap scares. Les cheap scares, ben c'est parce... on élimine le found footage. Okay, ouais. Ça nous prend des bons cheapskills. Ouais, j'aime aussi quand il t'amène, excuse-moi de te couper, mais non, ça, mettons, il t'amène un cheapskill, t'es sûr que ça va être là, mais il est pas là, puis il te repogne un peu plus tard par surprise avec Ouais, mais là, ça commence à être une recette compliquée en essai. Ouais. Parce que ça, tu t'attends à ce que ça soit là, mais là, c'est pas là. Mais là, tu sais, dans le fond, ils font assembler. Fait que là, tu sais que ça s'en vient, puis tu sais qu'ils vont jouer le coup. Mais finalement, faut pas que ça soit cette fois-là non plus. Faut que ça soit quand même. Finalement, il y en a pas partout du film. Exactement. Ça devient tellement compliqué d'en faire un qui marche qu'ils n'en mettent plus. Mais tu sais, comme ça, Silent Hill. Mais comme dans Sinister, tu sais, t'en as un maintenant qui a un chip scare qui a. Tu sais, il n'y a pas de son au début, tu sais, parce que bien souvent, quand il y a un élément qui va te faire peur qui arrive, ils mettent tout le temps la petite musique stressante, là, justement, que je parlais tantôt quand quelqu'un écoutait les vidéos. Là, c'était une farce, là, mais bon. Non, c'est ça. Oh, on avait compris que c'était une farce, c'était juste pas drôle. Ah, c'est ça, mais moi, ils sont tous de même des farces. Là. Vous allez le découvrir au fil des shows. Mais non, c'est ça. Tu sais, quand il n'y a pas de son, puis là, à un moment donné, le son embarque, puis c'est là que tu fais le cheap scare en même temps. Ouais, mais c'est une recette, c'est ça, c'est une recette poche. C'est trop facile de juste de te garocher un asti de gros punch orchestral avec le volume dans le fond, ça, c'est comme. C'est sûr que tu vas faire un saut, mais tu sais, je veux dire. C'est ça. Tandis qu'il y en a eu dans Sinister. C'est pas aussi efficace. Je sais pas si on parle du même, mais dans Sinister, on parle d'une face qui est arrivée, il n'y a pas eu un fucking son. Ben, tu parles-tu de la tondeuse ou. Non. Il n'y a aucun. Ah, oh, quoi que ça, c'était malade. Moi, je parle de la tondeuse, là. Ah, oh, man, je l'avais oublié, celle-là. Ça, c'en est un. C'en est un très bon. Il a fallu que j'aie changé ma couche. Ouais. Je te parle d'une scène où c'est la nuit. Il n'y a aucun son. Puis là, pour les auditeurs qui ont pas vu le film, je ne vois rien spoiler. Mais il n'y a absolument aucun son. Si je dis sur fenêtre. Non. Lui, okay. on a notre principal protagoniste qui entend un bruit, il se promène dans la maison avec son bat de baseball. Puis c'est okay, il y a une apparition, mais on la voit arriver d'un coup sec, mais il n'y a aucun son, aucun punch orchestral, mais on la voit juste arriver comme bang, c'est là, et puis tabarnak, c'est efficace. Ouais, aucun punch, mais ça m'a tellement fait. Asti, j'ai sauté. Tabarnak, je revois la scène dans ma tête, puis en tout cas, j'ai du poil droit de ses bras. C'était malade, c'était super bien fait, puis c'est ça, ils ont pas pété de speaker avec ça. Ça. Ben, un autre aussi qui pète pas de speaker, c'est quand il tombe en bas de l'échelle. Eh hey boy! Ça, en tout cas. Ça, honnêtement, on l'avait vu dans le trailer. Je me souviens plus du trailer, moi. Ouais. Les hosties de trailer. Ça, c'est une autre affaire, hein. Recette du film d'horreur parfait. Souvent, là, on fait ça. Un trailer hostie qui dure 3 secondes et qui raconte rien. On va donner le goût au monde. Qui voit toutes les bouts de peur, hein, puis tu vas voir le film finalement. C'est... Une grosse bébite qui tue, les gars. Ça dépend de la bébite. Ça, je suis en train de penser. Genre, mettons, dans le temps, les Jason et Freddy faisaient un job, mais c'était pas nécessairement un Alien. Malgré qu'Alien c'était très bon aussi. Mais... Ouais, mais je rentrais. Pas des bébites, mais je rentrais vraiment, Jason c'est... comme une bébite. Ah, oh, ouais, non, c'est ça. Faut que t'en aies un. Surtout à partir du 7, là, il commence à être bébiteux pas mal. Ouais. Il commence à être moins peur aussi. Non, mais tu sais, quelque chose de vrai. Pas un. Comment expliquer. Un gros monstre qui tue, moi, ça me fait toujours plus. Ça fait toujours un meilleur film que. Une petite fille de 16 ans qui a un couteau de 4 pieds, ouais. Pour pas nommer le dernier Scream, mettons. Ben, remarque qu'à l'intérieur, c'est un film crissement efficace. Ben, ça, c'est plus réel. Ouais, mais là, c'est ça, on tombe dans une autre direction de film complètement. Ah, mais ça, c'est le genre de film qui ne fait pas nécessairement peur, à moins que tu sois une fille enceinte. Là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est crissement efficace comme niveau horreur. Non, moi, ça, je l'ai dit à l'intérieur, c'est un de mes meilleurs films des 10, 15, 20 dernières années, peut-être. Là. À mon avis, à moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Mais c'est ça, encore une fois, on n'a pas une grosse bébête. Même que c'est ça, notre protagoniste. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Ouais, c'est ça. Écoute, elle n'est pas. Petite malade. Je demandais de dire, elle n'est pas épeurante. Ben, peut-être pas épeurante chez eux quand elle se lève le matin. Dans le film, elle fait peur en maudit. Je dirais, pour revenir à ton sujet, par exemple, si on en fait un là, ce serait pas de zombies pour l'instant parce que c'est un peu trop exploité. Ouais, ben les zombies, c'est comme les fonds de footage, on en a trop vu. C'est ça, j'adore, mais à un moment donné, il y en a trop. Là. Faudrait peut-être revivre les vampires un peu, mais tu sais, ceux qui faisaient peur, là. Ah, pas ceux qui brillent, là. Non, des vrais. Sachez que des fois, la communauté, elle aime ceux qui brillent. Mais non, sérieusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu je sais pas, là. Est-ce que je me. J'ai repoigné l'autre fois 30 Days of Night, des vampires pas trop pires. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas si mal. Avec Ethan Hawke, d'ailleurs, aussi. La suite est mauvaise, par exemple. Ouais. Oh my god. Ça, je conseille le comic book à tout le monde, d'ailleurs, si jamais vous avez la chance de pouvoir lire ça. Là. Oh, oui, c'est solide, solide, solide. Ah, il faudrait bien en parler de comic book, justement. Prochain show, prochainement. Prochain show, ce sera pas possible. Prochain show. L'ami Sébastien Bouchard va venir nous parler d'un comic. Parfait. Soyez au rendez-vous, auditeurs. À part de ça, êtes-vous plus du côté réaliste ou du côté over the top? Tu sais, comment je dirais ça? Comparé à... Genre, qu'est-ce qui pourrait plus arriver dans la vraie vie ou qu'est-ce qui est vraiment genre paranormal? Ça te fait-tu plus peur d'un film, justement, que ça va être un tueur que tu dis tabarnak, ça se peut, comme on va parler d'un film comme justement à l'intérieur, que c'est une fucking histoire d'invasion de domicile. Ou ben, calice, un gars qui est sorti de sa tombe qui te court après avec une perche, là. Moi, personnellement, ce qui me fait le plus chier dans mes culottes, là, c'est des films avec des esprits. Tu sais, comme des films comme, genre, ben, pas nécessairement qui me fait peur, mais tu sais, 13 fantômes, là, que tu vois des esprits, pis tout, pis. 13 fantômes, l'original, le remake. Ouais, l'original. L'original. Bon, je sais pas, ouais. Remake. Entre les deux, je sais pas lequel qui me faisait le plus peur ou lequel qui me faisait le plus rire, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, des films avec des esprits, puis le cercle, des affaires de même. Là. Ah ouais, les astuces de films d'horreur japonais. Quand ouais, japonais, de... le grunge japonais. Là. Ouais, ouais, c'est quand cette espèce de mode-là est arrivé. Ouh là là. Les poltergeist. On regarde, on s'en regardait plus dans le miroir. C'est en plein ça, mon gars. C'est fou, levé hein. À nuit, là. Tu checkais l'heure, tu faisais 3 heures, man. C'est l'heure que les fantômes sortent, man. Puis tu t'allais pas pisser, t'as retenu crissement, man. Tu te faisais un autre dedans, puis hop. Dans le temps que les portes dans le miroir étaient à mode. C'est ça, en plus. Tu pouvais pas. J'ai pas besoin de dire, je suis sûrement pas le premier qui est comme terrorisé des clowns à cause de Poltergeist. Je déteste les clowns à cause de ça. À cause de ce foutu film-là, tabarnak. Ah, c'est clair. Mais c'est comme, hey, quand que la première version, justement, on parlait de Paranormal Activity, ça, le premier est sorti. Ah, le premier. Le premier est sorti en 2007. Avant qu'il arrive ici, tu sais, la version complète, je pense que ça a été en 2009. En 2007, j'avais un screener de ça qui m'avait été refilé par un autre podcast jadis. Puis moi, j'écoutais ça ben banal dans le salon chez nous. Je venais de rentrer dans ma nouvelle maison, toute la patente. Puis si vous regardez le premier... C'est une bonne idée. Non, mais si vous regardez le premier Activité paranormale, de la façon que c'est fait, où que la caméra est placée dans la chambre, ouais. La vision que tu as de la chambre, de la façon qu'elle est construite, l'allée pour aller à la salle... Lit, ouais, la petite allée pour aller à la salle de bain, puis qui plonge ouais. Sur des escaliers pour descendre en bas... Le soir, quand c'est chez vous, c'est ça? C'est pareil. Astille. C'est pareil. Fait que le soir, quand je suis allé me coucher, j'ai comme. Je suis dans mon lit, je rouvre les yeux, je fais comme. Oh my fucking god, c'est pareil. Ah. C'est pas le genre de film qui me fait peur non plus. Mais. Tu vois, t'as changé ton lit de bord. Ouais. Moi, tu vois, tout ça avec toutes les lumières allumées. Puis... Ah non. Ou t'as juste changé ta caméra de place. Pour filmer ta blonde à son insu. Non, j'ai pas de caméra, puis j'ai justement un foutu grand garde-robe avec des porte-miroirs. Pas besoin de filmer dans ce temps-là. Tu te becques tes biceps pendant que. Ah non. Ouais, hey. On va revenir okay. À l'horreur, c'est peut-être pas ouais. Propre ce qui se passe là, mais c'est l'horreur. Pas épeurant non plus. Parlons horreur à l'horreur gamer show. Donc, on était rendu ouais. Avec nos histoires bon, dans le on a eu les monstres et. Voyons, les esprits, les tueurs. Les cheap scares. Là, les... Ouais. Moi, j'aime bien les jokes. Là. Tu sais, comme dans Father's Day, quand il tire dans la main de son chant. Moi, ça me prend ça. Tu ris. Ah, mais ça, là, j'ai l'impression que c'est comme un accès facile pour les films qui ont. Qui n'ont pas vraiment beaucoup de budget, on dirait qu'ils vont tous tomber dans le même moule, dans l'espèce de facilité, d'accessibilité, de films comme con. Des fois, c'est réussi, puis des fois, c'est ce qui tire dans le pied au film. Dans le cas de Father's Day, c'était extraordinaire, ce film-là. Il était gore à souhait, mais ouais. C'était drôle comme c'était pas possible. Justement, le bout qui se tire dans la main, j'ai ri c'est encore. C'est drôle en tabarnak. Toutes les fois que je réécoute ce film-là, genre, ah, c'est malade. Mais c'est tellement facile... Puis je parlais de ça avec l'ami Sébastien Bouchard à un moment donné que, tu sais, moi, être réalisateur de film, justement, j'essaierais de sauter par-dessus ça, qui est comme l'excuse facile de j'ai pas de budget, fait que je vais faire un film con, fait que ça excuse tout. Sauf que je le comprends, il y en a qui réussissent. Ben, il y en a que ça se fait bien, comme Thanksgiving. Oui, mais encore là, Thanksgiving, nous autres, on a aimé ça, mais on n'est pas nombreux à avoir aimé ça, hein, soit dit en passant. Faut, tu sais, je veux dire, c'est pas le genre de film que je vais dire à tout le monde. Je vais présenter Father's Day avant ça parce qu'il est un petit peu mieux construit. Là. Thanksgiving, c'est un débordement de ridicule, là, je veux dire. Ah, oh, mais c'est le fun de temps en temps, tu sais. Oui, tout à fait. T'as ta dose de gore, mais sans nécessairement avoir la chienne. Non, j'ai rarement eu peur là-dedans. Non, c'est sûr que... C'est comme, on parlait de films japonais tantôt. Les films de fantômes japonais sont tout épeurants, mais les films gore japonais, les Tokyo Gore Police, on avait parlé de... C'est on avait parlé de Devil Driver. Oh my God. Ouais. C'était-tu Devil Driver? L Driver. Ouais. Devil L-Driver, Driver, c'est le band qui vient de jouer. Ouais. On avait parlé d'L Driver, on a parlé... C'est quoi? Machine Gun Girl. Machine Gun, mais ça, on l'avait pas. Machine Girl, c'est écœurant. Ouais, ouais. Mutant Squad, je sais pas si vous avez. Mutant Girl ouais. Squad, je sais pas si vous avez. The Green, The Green Project aussi. Green Project, je connais pas ça. Attends, c'est Green Project ou Green Planet? Save the Green Planet. Anyway, toutes ces affaires-là, c'est tout des trucs qui sont ultra gore, ultra drôles, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde sont capables d'écouter ça. Quand j'ai pogné Mutant Girl Squad puis j'ai vu une cheerleaders que elle a un pouvoir spécial de sortir une lame de chainsaw du trou de cul, moi mon premier réflexe c'était carrément de partir à rire et trouver ça tordant, mais mais je serais curieux, mais passer ça au cinéma, ces films là ok, moi je pensais que t'étais curieux des histoires de chainsaw dans le trou de cul. Non, pas vraiment. L'ai déjà essayé, les amygdales ont sorti. Non, mais qu'est-ce que tu serais curieux de passer ça au cinéma? Il y a pas Tu sais, Know What You Did Last Summer, des cochonneries de même, des frissons, on était curé de voir ça au cinéma. Non? Erreur. Non, amène c'est, quelque chose. Non. Le monde aime encore ça. Il y a beaucoup de monde qui aime encore. Ah. Les derniers frissons, le dernier, quand il est sorti, man, ça a été un hit total là, au box-office. Ça a marché au grand. Le seul point positif j'ai vu dans Frisson, là, c'est qu'il y a une fille, une actrice qui a sorti Marilyn Manson. À part ça, il n'y a pas de point positif là-dedans. Ben oui, mais encore là, c'est pas un point positif pour le film. Là. Steph et ses arguments. Parle-moi de Neo Geo encore, Steph. Non, mais je comprends, tu sais, que les frissons aient marché. Je veux dire, comme j'ai trop dit, c'est pas mon genre de film, mais je comprends que ça allait marcher. Sauf que c'est ça. C'est des suspens plus que des films d'horreur. Ça, totalement, mais le monde vont se garrocher pour aller voir ça. Ils vont se garrocher pour aller voir le prochain Décadence, mais ils vont pas. Ah, oh, man, y a ça. Personne qui va faire la file pour aller voir. Je sais pas vous autres votre opinion de Décadence, mais moi, là, sérieusement, là, Le 1, that's it. Le 1, le premier, peut-être le 2, ça explique un peu le 1. Mais après ça, man, oublie ça. Ben, moi, voyez-vous, j'ai hésité. Tout aimé. Toute la gang. Tout aimé, ouais, non? C'est de voir la manière que le monde est tué. À part ça. Ouais, pas d'histoire, il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'histoire, non. Arrête, c'est le fun, justement. Mets le film, puis tu skips à toutes les fois que quelqu'un se tue, puis t'es correct. Non. Tu prends des trucs aussi pour chez vous, quand le monde est en truc. Non, mais c'est un des points. C'est la même chose pour les. Voyons quand. Tabarnak. On va continuer, vas-y, Pierre. Ouais, vas-y, cherche ton idée. Non, mais ce que j'allais dire sur les décadences, c'est que c'est justement ce que j'avais aimé, c'est que d'une shot à l'autre, ils revenaient sur des éléments de l'histoire, qui revenaient sur d'autres éléments, qui revenaient. Tu sais, ils ont comme fait un joyeux melting pot qui fait que c'était quand même dur à suivre, mais je veux dire, ça rendait l'histoire agréable. Le scénario était quand même intéressant. À la fin, c'est sûr que ça commençait à devenir une excuse poche pour nous montrer de l'ultra gore. Mais tu sais, moi, je suis une gore horror, je m'en cache pas. Fait que j'ai quand même toujours pas mal apprécié. Même le dernier, en 3D, je veux dire, c'était pas mauvais. J'ai bien aimé. Honnêtement, là, c'est une bonne série, selon moi. Sauf que, regarde, ils l'ont fini à 7. C'est correct, là, il est à temps. Ouais, c'est comme les hostels, c'est ça que je voulais dire tantôt. Ah, ouais. Le troisième, ça c'était oulala. Tu sais, le troisième, puis déjà le deuxième était ordinaire. Ben moi, tu sais, j'ai aimé. Dans l'hôtel. J'ai aimé mieux le deuxième que le premier, moi, quasiment. Ah, ouais, pas quasiment. J'ai aimé mieux le premier, mais le deuxième, il y avait une espèce de... Ouais, il était pas si. Il y avait mauvais, un développement intéressant, il nous en montrait plus. Puis ça peut nous ramener à notre sujet qu'on est rendu long en tabarnak, mais c'est un peu le but de la discussion. Ah ouais. Mais en dire trop ou en dire pas assez, ça peut nuire un film, ça peut le planter complètement. Ça dépend quel genre de film, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça s'applique dans tout. On débat pour les zombies. C'est-tu important de savoir d'où ce qu'ils viennent ou bien. Est-ce qu'on va nous raconter d'où ce qu'ils viennent les zombies? De façon, ça passe soit de produits chimiques ou bien d'une masse noire qui est mal finie, mais ou bien on n'en parle pas, puis on fait juste montrer des zombies que ça devienne plus plus inquiétant de ne pas savoir. En tout cas, vous voyez ce que je veux en venir. Ouais. Oh. En dire trop ou en dire pas assez, c'est toujours un choix qui peut devenir crucial pour un film. Pareil. En tout cas, hey, on va abréger ça parce qu'à un moment donné, pour finir ça, ce show-là, parce que je m'en vais travailler tantôt. Mais non, pour vrai, c'est ça. Bel échange, messieurs, bel échange. Yes, yes. Hey, comment est-ce qu'on conclut ça? Je sais pas, man. Allez voir notre Facebook, allez nous aimer. On a déjà plein d'amis, ça arrête juste plus. Nous autres, on va aimez-nous! Ben oui, étant donné que l'horreurgamer.com n'existe plus, on va continuer de popper nos nouvelles là-dessus, nous autres, le Facebook, nos nouvelles, nos vidéos, les promos de films qu'on va trouver, puis un paquet de cochonneries comme ça, de choses intéressantes ou pas. Puis c'est ça. Écoute, on se revoit dans 2 semaines. J'aimerais ça. Ouais. Ça serait le fun. Ouais, ouais. Ça serait le fun. Là, on a parlé tantôt, comme hors onde, de ce qui était pour être le prochain show. Je me risque-tu de le dire parce que des fois, on. Oh, reste-toi parce que sinon, on le fera pas puis on va te choquer. Mais c'est parce qu'on est bon pour les pour comme manquer à nos promesses. Ah, mais ouais, écoute, on va écoute promets quelque chose. Puis là, avec nos nouveaux auditeurs en plus qui vont s'être joints à nous, ils vont s'habituer à nous. Fun jouer jeu. Bon, ok, je vais le dire. Prochain show, on va vous parler de. L'ami Sébastien, il va probablement. On va vous parler d'ami Sébastien. L'ami Sébastien Bouchard va venir nous parler de Lock and Key, le comic book. À part de ça, on va parler du film Mama. Yes. Puis, qui est au cinéma en ce moment. Qui est au cinéma en ce moment. Hey, dis-moi pas qu'on va avoir une primeur. On va dépenser de l'argent. Ça va coûter cher. T'as regardé ça, dis-moi. Kevin nous amène tout au cinéma. C'est moi qui paye. Yes, sir. Puis de quoi qu'on parle aussi? On va parler de Dead Space. On va faire plaisir à mon ami Daniel Vaillancourt qui trouve qu'on parle pas assez de jeux vidéo. On va en parler de Dead Space, mais là, ce qui va arriver, c'est qu'on va jouer toute la gang. Ben, tu sais, ça joue en coop, le jeu-là. Fait qu'on va essayer de vous délivrer une expérience d'une gang de gars qui ont joué together. Cool, yes. Hein, ça va être pas pire. Excuse des gros mots. Ah, bon, je pense que t'as le droit, là, je pense. Quand... Ben là, on est rendu sur funjoiseux.ca. Funjoiseux. C'est le temps que ça finisse, ce show-là. En introduction au show, j'ai parlé de faire de la poudre sur le cul d'une pute. Je pense que t'as le droit de sacrer. C'est bon. Sinon, ben c'est Célestin, justement, qui va s'occuper du montage de nous censurer. Fait que... Faudrait que t'abrèges le show parce qu'il commence à m'attendre. Il me coûte cher, là. Ils sont payés à l'heure, eux autres. Ouais, mais toi, commence par aller déprendre ta petite fille qui est poignée dans le mur. Puis... Bon. Sur ça, chers auditeurs, on vous souhaite une très belle continuation. Continuez d'être heureux. Puis nous autres, on vous revient dans 2 semaines avec si on est capable, ce show-là. Puis, on va être capable. On va être capable. Oh, ouais. On va pousser fort, là. On va pousser fort. Oh, ouais. Ben ouais. Crotte qui veut pas sortir. Excellent. Ben, poussons fort, puis poussons-nous. Hey, Steph, on va conclure ça avec de la musique. Ben oui, on va y aller, écoute, on va y aller dans le tranquille cette fois-là. Pas cool. Conclure l'émission en relaxant avec notre bière dans la main. Doomshine. Yes. Oui. Écoute, c'est pas un gros ben à tout casser, là. Doomshine, honnêtement, j'ai une toune que j'aime sur 2 albums. Mais cette toune-là, on dirait que c'est tellement pas comme les 2 albums. Là. C'est un ben Germany. Allemagne, c'est vraiment un show en français. Écoute, ça roule depuis 2000, puis ils ont 2 albums. Fait que ça vous dit le genre de groupe, là. Non, mais il y a bien des tunes. Ça roule en style. Mais c'est ça, c'est spécial comme ben. Je vous le conseille d'écouter, mais en tout cas, la tune je vais mettre, c'est vraiment... Attends, t'es dur à suivre, parce qu'il y a une tune que t'aimes sur 2 albums. C'est pas représentatif, c'est parce que ils se considèrent du doom metal. Mais c'est pas du doom metal. Ceux qui aiment Anathema, ceux qui aiment... Tu sais, le rock déprimant. Moi, je considère pas ça du doom. Moi, du doom, j'aime ça. Genre Nickelback. Non, moi, je pensais. Du doom, là, c'est My Dang Bride. C'est, moi, je pensais à Mario Pecha. C'est assez du rock déprimant, ça. C'est des non, mais ça. Ben, rock. Marie-Moi. Du garou, tu sais. Non, sérieux. La toune, vous allez l'aimer, je suis sûr. Là. Et si je pleure... Les albums, vous allez être déçus. L'univers a que du feu. Ah, ta gueule, mon gars. Ah, je pense qu'on va faire chanter Kevin. Non, mais on n'encourage pas des gars comme Mario Pecha dans leur Gamer Show. Il y a trop des limites qu'on peut faire. C'est un esti de bandit, man, qui frappe du monde. C'est passé, man. Je pense que je me suis fait posséder. Il fait de la rage au volant, puis toute la patente, man. Je suis sûr que tu tiens avec Michel. Il était dans le sang. C'est comme de la rage dans une cage. Ah, écoute, je me dévore. la toune, Steph, vite. J'ai besoin de tout. Hey, la toune, on va y aller avec Valiant Child of War, sur l'album The Kingdom Come. Hey, sur ça, dans deux semaines. Yes. Ciao. Yes. Ciao, bye. Angels with food. Hey Pete, est-ce comment à mort de la poussière quand tu fais de la poudre? Non. Comment ta pute, elle pète. tabarnak.